الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 20 dans l'explication du livre شرح أداب المشي إلى الصلاة du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad حفظه الله تعالى. Et le Cheikh il parle maintenant des أداب الدعاء. أداب الدعاء, c'est-à-dire les règles par rapport au dua qu'on doit respecter si on veut faire en sorte que yani, notre dua soit exaucé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Cheikh Abdul Muhsin il dit وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَ فِي الدُّعَاءِ مُطْلَقًا أُمُورٌ الْأَوَّلُ الْإِصْرَارُ بِهِ وَعَدَمُ الْجَهْرِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنه لا يحب المعتدين وقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنه معكم سميع قريب رواه البخاري ومسلم ويستثنى من ذلك ما وردت السنة به كرفع الصوت بالتلبية. Donc, le cheikh, il mentionne parmi les règles qui ont rapport avec le dua, et on parle bien entendu en particulier ici des duas après la salat, puisque yani, le contexte de qu'est-ce que le cheikh explique maintenant, c'est à propos de qu'est-ce qu'on fait après la prière, après avoir terminé la salat. Et on a mentionné ça au dernier cours. Donc maintenant à propos du dua, peut-être avant de mentionner ça, il serait bien de mentionner une chose. C'est que parmi les gens, il y a des habitudes chez les gens de faire certains actes qui sont parfois des innovations ou des bid'a. Comme par exemple, après la prière, certains font le dua en groupe. L'imam, il fait un dua, puis les gens répètent Amin après l'imam, en groupe. Et ça fait partie des innovations. Chaque personne dans la sunna, chaque personne fait son dua individuellement. De même que parmi les innovations de certaines personnes, c'est que aussitôt qu'ils ont terminé de faire le taslim, ils disent assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aussitôt, ils lèvent les mains pour faire des duas. Et ça aussi, ça fait partie des innovations, puisque la sunna après la salat, c'est pas de faire directement des duas en levant les mains. On a déjà expliqué ça dans d'autres cours. Mais au cours dernier, on a expliqué qu'est-ce qu'on doit faire comme rappel, comme dhikr, après la salat. Et donc ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas de dua directement après la prière en levant les mains, comme le font certaines personnes. Également, donc ça, c'est de deux. Et aussi parmi les innovations que certaines personnes font lorsqu'ils font du dua après la prière, c'est que lorsqu'ils ont terminé, non seulement ils font du dua directement après la prière et ils lèvent les mains, mais qu'est-ce qu'ils font en plus, c'est que après avoir terminé le dua, ils s'essuient le visage avec leurs mains. Et ça aussi, ça fait partie des innovations, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais essuyé son visage avec ses mains après avoir fait le dua ou bien après la salat. Et c'est rapporté dans un hadith qui est daif. C'est rapporté, il y a une question qui est mentionnée comme ça dans un hadith, mais c'est un hadith qui est daif. Donc il ne peut pas être utilisé comme preuve pour supporter ce genre de pratique. Maintenant, pour revenir à la question de qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au dua, la première chose que le cheikh il mentionne ici, c'est de faire le dua à voix basse. De faire le dua à voix basse, c'est-à-dire de ne pas élever la voix fort quand on fait notre dua. Et il a cité à ce sujet quelques versets. Et le premier verset qu'il a cité, je vais vous mentionner la référence dans le Mus'haf. Le premier verset, c'est le verset 55 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin » Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en recueillement et avec discrétion. Khufya, c'est-à-dire discrètement, c'est-à-dire à voix basse. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et l'autre verset que le cheikh a rapporté, c'est dans le verset 205, dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Donc ça fait partie des versets qui indiquent que le dua doit être fait à voix basse et non à voix haute. Et il est rapporté également selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui a dit que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous arrivions dans une vallée, on a commencé à faire des adhkar, à faire le takbir et à dire la ilaha illallah, à faire des adhkar comme ça, et il dit nos voix se sont élevées, on a élevé nos voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh vous les hommes, ne baissez vos voix, parce que vous n'êtes pas en train d'invoquer quelqu'un qui est sourd ou absent. Il est avec vous, il est audient et il est proche. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le Cheikh dit, par contre, on fait une exception ici en ce qui concerne la talbiya dans le Hajj, la Umrah, lorsqu'on part, on fait la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Ça, c'est à haute voix. Mais à part ça, de règle générale, c'est que on fait les adhkar et on fait les dua à voix basse. Le Cheikh dit wa thani an yakuna ad-du'a bil ad'iyah ath-thabita an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li'annahu sallallahu alayhi wa sallam u'tiya jawami'ul kalim wa li'anna du'a al-ma'sum sallallahu alayhi wa sallam fihi al-'ismah was-salama bikhilaf al-ad'iyah al-ukhra. Donc le cheikh, il explique que le dua doit être fait avec des invocations qui ont été rapportées authentiquement du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des paroles complètes qui sont courtes et qui ont beaucoup de sens. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible, il ne fait pas d'erreur dans la religion. Donc ses invocations sont des invocations infaillibles, dans le sens qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans ses invocations. Et contrairement aux autres invocations qui peuvent être inventées par d'autres personnes, qui peuvent contenir des erreurs dans la croyance ou des erreurs dans les invocations. Donc certains, par exemple, se réfèrent à des livres de dua qui ont été écrits par un cheikh soufi ou des choses comme ça. Et dans ces dua-là, des fois, il y a du shirk. Peut-être même qu'il y a des formes de rouleaux, d'exagération et d'extrémisme et de ta'addi, de transgression dans le dua. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Et se référer au dua du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus sûr et c'est meilleur. Cheikh il dit également الثالث, le troisième point, يكون بخشوع وحضور قلب والحديث الذي ذكره الشيخ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي إسناديهما ضعف يقوي بعضهما بعضا وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. Donc le point numéro 3, le cheikh il dit que le dua en question doit être fait avec humilité et présence de cœur. Et yani, ça c'est mentionné par rapport au hadith qui est rapporté, que le cheikh lui-même a rapporté selon At-Tirmidhi, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté le hadith qui est rapporté selon At-Tirmidhi, ou bien par At-Tirmidhi selon Abi Huraira radiallahu anhu. Et il a cité ce hadith qui dit « La yustajabu du'a ou bi qalbin ghafil » Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant. Allah n'exauce pas le du'a ou l'invocation d'une personne dont le cœur est insouciant. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad aussi dans la Musnad. Donc c'est rapporté par At-Tirmidhi selon Abi Huraira et dans la Musnad de l'imam Ahmad selon Abdullah ibn Amr ibn al-As et radiyallahu anhuma. Et il dit que ces deux chaînes de transmission, dans ces deux chaînes de transmission, il y a une faiblesse, mais les deux hadiths se raffermissent l'un l'autre. Et le cheikh il indique de retourner, il nous indique ou il nous réfère à Silsilat al-Hadith al-Sahiha de Cheikh al-Albani, de vérifier à ce sujet le hadith 594 dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha où il parle de ce sujet. Le point numéro 4 par rapport à l'invocation et au dua, أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وألوهيته لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيدعى سبحانه بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بالأسماء والصفات حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهدك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن إذا علمت الوفاة خيرا لي الحديث رواه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. Donc le point numéro 4, le cheikh il mentionne que parmi les choses qui fait partie des manières dans des bonnes manières dans l'invocation, c'est que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, une des bonnes choses c'est de l'invoquer en mentionnant ses noms. En mentionnant ses noms, en mentionnant ses attributs et en mentionnant sa divinité, hein, ou son droit exclusif à la divinité, à l'adoration. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. C'est-à-dire que c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceci. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué par ses noms et on utilise ses noms comme un moyen ainsi que ses attributs comme un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on lui demande. Et cela fait partie également des manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fait des invocations. Lorsqu'il fait des invocations, il mentionne les noms d'Allah. Hein? Il dit, « Oh Allah, je te demande par le fait que je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, par le fait que tu es Allah, celui que rien ne mérite d'être adoré, hein? Rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Donc, oh Allah, je te demande, hein, par le fait que je témoigne que tu es Allah, hein, le seul qui mérite d'être adoré. Rien ne mérite d'être adoré excepté toi, l'unique, celui vers qui toutes les choses retournent et toutes les créatures se tournent pour leurs besoins. Celui qui n'a pas été, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré, et celui que personne n'était comparable à lui. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à cette invocation-là, il a dit, tu as certes demandé à Allah par le nom, que si tu lui demandes par ce nom-là, il va te donner. Hein? Et si tu s'il est invoqué par ce nom-là, si on lui demande par ce nom, il donne, et s'il est invoqué par ce nom, il exauce et il répond. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et d'autres également, avec une chaîne authentique. Et également selon le hadith de Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, « Oh Allah, par ta demande, je te demande par ta science, de l'invisible et par ta puissance, hein, sur la création, de me faire vivre tant que tu sais que la vie est bonne pour moi, et de me faire mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. » Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i et c'est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et le hadith en question a été authentifié par Al-Hakim et l'imam Al-Dhahabi, hein, a été d'accord avec lui sur cette authentification-là. Et le point numéro 5, Al-Khamis, أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة وهي آخر الليل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il mentionne le point numéro 5 et c'est les moments, hein, dans lesquels les duas ont plus de possibilités d'être exaucés. Il y a des moments comme ça dans la journée ou des moments en particulier dans lesquels nos invocations risquent plus d'être exaucées que dans d'autres moments. Et il faut donc chercher ces moments-là en particulier pour essayer, hein, d'en profiter pour être exaucé d'Allah. Alors il mentionne parmi les moments dans lesquels Allah exauce nos invocations, il mentionne la fin de la nuit, hein, la dernière partie de la nuit. Comme c'est mentionné dans le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, hein, qu'il soit béni et exalté, bénédiction à lui et qu'il soit exalté et élevé, il descend, Allah subhanahu wa ta'ala descend à chaque nuit au dernier des cieux, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit. Et il dit, qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Qui va me demander pour que je lui donne? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le Cheikh il dit, وَبَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِحَدِيثِ أَنَسِ بِنْ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. Parmi les moments dans lesquels le dua a plus de chances aussi d'être exaucé et plus de possibilités d'être exaucé, c'est entre le adhan et l'iqama. Lorsque on a fait l'adhan et qu'on atteint l'iqama, le début de la prière, et ça c'est supporté par un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dua, l'invocation qui est faite entre l'adhan et l'iqama ne sera pas rejeté, ne sera pas refusé. Alors invoquez à ce moment-là, entre l'adhan et l'iqama. Et c'est rapporté dans la musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre moment. Il dit « Wa adbaru salati al-maktouba » جاء في حديث أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قول جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة أو الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وحسنه لكن في سنده عبد الرحمن بن سابط وهو كثير الإرسال وقال يحيى بن معين لم يسمع عن من أبي أمامة وفيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. Donc le cheikh il dit également à la fin des prières, à la fin des différentes prières obligatoires, donc en terminant les dernières prières obligatoires, le moment à ce moment-là c'est un moment propice pour faire les doigts. Et il rapporte d'un hadith qui est rapporté selon Abi Umama, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, Abu Umama qui dit, il a dit, ô messager d'Allah, quel dua est plus entendu ou plus exaucé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, le dua qu'on fait au milieu de la nuit, ou bien pendant la nuit, et à la fin le dua qu'on fait à la fin des prières obligatoires. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi qui l'a déclaré Hassan. Il a déclaré ce hadith Hassan. Et il dit, toutefois, dans le hadith, dans sa chaîne de transmission, il y a un narrateur qui s'appelle Abdurrahman ibn Sabit. Et il dit que ce narrateur-là, il fait beaucoup d'irsal. C'est-à-dire, il mentionne pas des fois le sahabi de qui il a pris, ou bien il mentionne aussi qu'il y a Yahya ibn Ma'in, il dit qu'il y a aussi Ibn Jurayj dans ce hadith. Et il dit que Ibn Jurayj, il est mudallis. Il mentionne pas. Des fois il dit qu'il a entendu d'une personne, peut-être qu'il n'a pas entendu directement de cette personne. Et ici il mentionne en disant an, et lorsque le mudallis il utilise al-an'ana, ça veut dire, dans ce cas-là, dans certains narrateurs qui, lorsqu'ils utilisent al-an'ana, ils disent que ça c'est un tadlis, il n'a pas réellement entendu directement de cette personne. Donc à cause de ces raisons-là, parce que Yahya, comme je disais, Yahya ibn Ma'in, le cheikh dit que Yahya ibn Ma'in, il n'a pas entendu. Yahya ibn Ma'in, il dit que Abdurrahman ibn Sabit, il n'a pas entendu directement de Abi Umama ce hadith-là. Donc, ça voudrait dire que le hadith en question, il y a des paroles à son sujet. Hein, il y a des paroles à son sujet en voulant dire son authenticité, elle n'est pas très solide. Le cheikh, il mentionne parmi les moments aussi qui sont bons pour faire les invocations et dans lequel notre dua risque plus d'être exaucé, c'est آخر ساعة يوم الجمعة. Le hadith d'Abdullah ibn Salam رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. Donc l'autre moment aussi, comme le cheikh le mentionne ici, à la fin de la dernière heure de Jumu'a, c'est-à-dire la dernière heure du jour du vendredi, hein, le Jumu'a. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, et c'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et d'autres rapporteurs aussi. Et le sixième point, il dit السادس أن يكثر الدعاء ولا يعجل ويستبطئ الإجابة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء رواه مسلم. Donc le sixième point, parmi les points dont on doit tenir compte par rapport à l'invocation, c'est, le cheikh il dit, de faire beaucoup de dua. Hein? Il faut faire beaucoup de dua et ne pas non plus se presser pour obtenir une réponse à notre invocation. En trouvant que en trouvant que c'est long pour avoir une réponse ou pour être exaucé. Hein? Donc si on invoque Allah, il faut l'invoquer constamment. Et continuer à l'invoquer jusqu'à ce que Allah nous exauce. Et il ne faut pas se presser non plus. Ça, c'est en plus du point numéro 3 qu'on a mentionné tout à l'heure, de prier avec, de faire des doigts en ayant le cœur présent. Et comme le cheikh l'a cité, Allah n'exauce pas la personne qui fait un doigt avec un cœur insouciant. Et bien aussi, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: invoquez Allah alors que vous êtes convaincu d'être exaucé. Wa anta muqinun bil ijaba, comme si tu es certain que Allah va t'exaucer. Et en même temps, ici il dit, le point numéro 6, de constamment invoquer. Donc il faut pas se gêner, de demander beaucoup à Allah et souvent la même chose à Allah. Par exemple, si quelqu'un il demande quelque chose, il va pas dire « Ah, j'ai demandé une fois » et il s'arrête. Non, même si tu demandes 100 fois, 200 fois, 300 fois, 400 fois, 1000 fois, 10 000 fois, hein, il faut pas se lasser de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu trouves que c'est long d'avoir une réponse ou d'être exaucé, il faut continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yazalu yustajabu lil abd, le serviteur il sera toujours exaucé tant qu'il n'invoque pas pour un péché, c'est-à-dire tant qu'il n'invoque pas Allah pour lui demander quelque chose qui est péché ou de couper les liens de parenté, ou tant qu'il ne se presse pas, Et on a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est de se presser, hein, dans le dua? Et il a dit, c'est le fait que la personne dise j'ai invoqué et j'ai invoqué, hein, mais j'ai pas vu de réponse, j'ai pas été exaucé. Puis à ce moment-là, hein, il cesse de faire le doua. Hein, il cesse de faire le doua. Alors c'est ça, de se presser, hein, d'être trop pressé pour d'être exaucé. Donc quand la personne elle voit qu'il n'y a pas de réponse, bon, elle abandonne le doua. Non, il faut continuer. Invoquer Allah tout le temps, sans cesse, jusqu'à ce que Allah nous exauce. Et le dernier point que le cheikh il a mentionné à ce sujet, par rapport à l'invocation, السابع, أن لا يخص الداعي نفسه في دعاء يؤمن عليه. نعم. بل يأتي في الدعاء بصيغة الجمع. وإذا كان وحده خص نفسه. فدعا بصيغة الإفراد. Donc le point numéro 7, et c'est ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait mentionné justement lorsqu'il expliquait ça, il disait وَلَا يُكْرَهْ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ إِلَّا فِي دُعَاءٍ يَأُمَّنَّ عَلَيْهِ. Donc ça veut dire que lorsque la personne elle fait un dua et que c'est elle qui dirige la prière pour les gens, eh bien, dans ce cas-là, c'est bien de faire le dua au pluriel pour inclure tout le monde qui sont derrière lui. Toutefois, s'il fait des duas tout seul, dans ce cas-là, il peut faire des duas juste pour lui. Il n'y a pas de mal, hein, au singulier. Mais lorsqu'il fait des duas pour un groupe de personnes, comme par exemple, il prie, dans la prière de Tarawih, par exemple, il fait le dua au Qunut, eh bien, il va dire au pluriel. Ou bien, quand il fait la prière, à la fin de sa prière, il va faire un dua. Il y a des gens derrière lui. Donc, il ne va pas demander juste à Allah pour lui tout seul. Il va demander aussi pour ceux qui sont derrière lui. Hein? Donc, il va les inclure aussi dans son dua en faisant le dua au pluriel. Naam. Donc, ça, c'est les 7 points qui ont été mentionnés par rapport au dua. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.